Selon NUSIS de Corée du Sud, des formations civiles et ouvrières ont mis sur pied le 3 août à Séoul l'action pan-nationale pour la paix du 15 août et exigé des actuelles autorités sud-coréennes et des États-Unis de retirer immédiatement la politique d'hostilité et de guerre contre la République populaire démocratique de Corée. Dans leur discours prononcé à la conférence de presse relative à la Constitution mis sur pied le 3 août à Séoul, l'action pan-nationale pour la paix du 15 août et exigé des actuelles autorités sud-coréennes et des États-Unis de retirer immédiatement la politique d'hostilité et de guerre contre la République populaire démocratique de Corée. Dans leur discours prononcé à la conférence de presse relative à la Constitution, les orateurs ont indiqué: contrairement à ses engagements pour la reprise du dialogue sud-nord et la promotion de la conclusion d'un accord de paix, l'actuel gouvernant incite en tête à la sanction contre le Nord. Sans tenir sa parole pour le réexamen de la disposition de SAD, il pousse la disposition supplémentaire des rampes en trompant par l'évaluation de l'influence sur l'environnement. La formation a déclaré tenir le 15 prochain un meeting pan-national du 15 août sur la place de la mairie de Séoul et livrer une manifestation pour encercler les ambassades américaines et japonaises en Corée du Sud.